Il y a quelques jours, j'ai commencé à parler de 5 facteurs dont doit disposer celui qui veut atteindre la libération dans cette vie même. On parle en pali des padaniyanga. Donc, la première de ces qualités, c'est la foi ou la confiance. Il s'agit essentiellement d'avoir foi dans le Bouddha en tant qu'être illuminé. Ceci est très facile pour les bouddhistes traditionnels. Mais il y a cependant un niveau minimum de foi qui doit être atteint par celui qui veut espérer pouvoir réaliser la libération, et c'est la foi dans le karma et ses effets. Il faut croire, être convaincu qu'un acte positif amène un effet positif, qu'un acte négatif amène un effet négatif. Les intentions positives et les intentions négatives sont donc cruciales. Que l'acte soit un acte vocal ou un acte physique, il est certain que s'il est positif, l'effet sera positif, s'il est négatif, l'effet sera négatif. C'est donc le minimum de foi que doit avoir la personne qui s'engage dans la pratique. Donc la deuxième qualité dont doit disposer cette personne, c'est la santé. Elle doit être en bonne santé. Bien sûr, de nos jours, c'est très difficile d'évaluer dans quelle mesure nous sommes en bonne santé. On a défini la bonne santé dans ce contexte comme étant quelqu'un qui est capable de digérer facilement la nourriture qu'il prend et quelqu'un qui dort facilement. La troisième qualité, c'est l'honnêteté, la sincérité. Il est très important que la personne soit honnête, sincère, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'elle prétende avoir des qualités qu'elle n'a pas, et d'autre part, elle ne doit pas prétendre ne pas avoir certains défauts qu'elle a. La quatrième qualité, c'est l'effort continu. La personne doit être capable de faire un effort et de mener sa pratique sans l'interrompre, sans l'abandonner, jusqu'à ce que le but soit atteint. En ce qui vous concerne, vous qui êtes ici, vous avez décidé de participer à cette retraite et vous avez tous fourni cet effort. Vous avez fait l'effort d'abandonner votre confort de la maison, vous avez abandonné vos activités habituelles, vous avez renoncé au plaisir sensuel pendant tout le temps de la retraite. Certains l'ont fait parce que, étant des méditants expérimentés, ils savent qu'ils en auront beaucoup de bénéfices, notamment par exemple la pureté, la purification de l'esprit, le calme. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la pratique, ils sont peut-être venus par curiosité. Quoi qu'il en soit, vous avez donc tous déjà fait cet effort de vous rendre disponible pour la retraite. Donc le yogi, le méditant, doit fournir cet effort sans interruption. C'est ce que vous faites. Vous essayez d'être constamment attentif au mouvement de soulèvement, ensuite au mouvement d'abaissement de l'abdomen. Vous faites un effort pour diriger votre attention avec précision vers l'objet. Vous essayez d'être toujours attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de vous. Pendant la marche également, vous fournissez cet effort. Vous essayez d'être attentif sans interruption à chaque pas. Vous essayez d'observer chaque mouvement, chaque fois qu'ils ont lieu. Et vous fournissez également un puissant effort pour être attentif dans les activités quotidiennes. Depuis tôt le matin, au moment où vous vous réveillez, jusque tard le soir lorsque vous allez vous coucher, vous essayez d'être attentif non-stop. Vous êtes attentif lorsque vous ouvrez et fermez les portes. Vous êtes attentif lorsque vous vous brossez les dents, lorsque vous vous habillez, lorsque vous vous douchez, lorsque vous mangez. Donc, vous fournissez un effort pour être attentif. À cause de l'effort, l'effort que vous fournissez va être la cause pour l'apparition de l'attention. Si vous faites un effort, l'attention est là. Et lorsque l'attention deviendra plus ou moins continue, vous aurez la concentration. Le méditant pratique ainsi et fait de son mieux pour fournir cet effort de façon à faire apparaître l'attention qui elle-même va déboucher sur la concentration. Donc, si l'attention est établie fermement sur l'objet ou les objets de façon continue, l'esprit va devenir concentré. Il ne partira plus, il ne vagabondera plus. Il faut donc s'efforcer d'être toujours attentif, quelle que soit l'activité qu'on est occupé à faire. Au moment où la méditation assise se termine et qu'on passe à la station debout, qu'on se lève, il faut le faire avec attention. Lorsqu'on passe de la station debout à la station assise, il faut également le faire avec attention. Lorsque vous prenez votre repas, vous devez manger avec attention. Toutes les activités que vous serez amené à faire tout au long de la journée doivent ainsi être observées de façon minutieuse et précise. Même par exemple, au moment où vous ouvrez les yeux après la méditation assise, vous devez le faire avec attention. Le yogi doit comprendre que procéder ainsi, observer ainsi de façon précise et sans interruption, c'est quelque chose de positif qui va amener des résultats. Et il devrait avoir le désir de pratiquer ainsi. Donc, l'effort, nous serons capables de le fournir si nous comprenons que cette pratique amène des bénéfices. Il faudrait donc que nous soyons convaincus qu'en pratiquant ainsi, nous obtiendrons des bénéfices. En comprenant que nous aurons des bénéfices, le désir de pratiquer va se manifester. En pali, on parle de chanda. Le yogi va donc fournir cet effort et il va développer le courage de faire face à toutes les difficultés. Il va être en mesure d'observer tout ce qui se manifeste à chaque instant. Donc, nous avons probablement compris la méthode, nous connaissons les instructions et pourtant, la paresse va très souvent se manifester, apparaître dans l'esprit. Cette paresse apparaît dans l'esprit parce que nous n'avons pas encore vraiment compris les bénéfices qu'amène cette pratique. L'esprit devient réticent, il recule, il n'a plus envie de méditer. Donc, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, cet effort dont il a été question, c'est l'effort initial, le premier type d'effort. Et ce premier type d'effort va donc devoir être fourni dès le début, lorsqu'on arrive au centre, jusqu'au moment où cette paresse va s'introduire dans l'esprit. Nous devenons un petit peu réticents, nous n'avons plus envie de pratiquer. Il est temps alors de fournir le deuxième type d'effort. En fait, il y a trois stades, trois sortes d'efforts. Nous en sommes donc arrivés maintenant au deuxième type d'effort. En pali, on parle de nekama dhatu. C'est l'effort qui est renforcé. Le méditant doit renforcer son effort de façon à faire disparaître cette paresse et cette somnolence. Donc, si le méditant fournit cet effort renforcé, qu'il réussit à observer avec encore plus d'efforts, son attention va devenir continue. Il n'y aura plus d'espace entre les différents moments d'attention. On peut dire alors que sa pratique est devenue bonne, a atteint un très bon niveau, et la satisfaction va se manifester. Donc, le méditant se sent satisfait, sa pratique est devenue très bonne. Mais attention, il ne doit pas se complaire dans cette situation. Il ne doit pas arrêter son effort. Au contraire, il faut qu'à ce stade, il renforce encore son effort dans le but d'arriver au véritable bonheur, d'atteindre son but. Ce troisième type d'effort est appelé l'effort culminant, en pali, parakama dhatu. C'est un effort qui va se développer progressivement. Donc, ces trois types d'efforts devront être développés si on veut que la pratique progresse. Il ne suffit pas de comprendre les instructions, de connaître la méthode. Il faut fournir ces trois types d'efforts. Donc, cet effort, qui est triple en fait, et dont il vient d'être question, constitue la quatrième qualité que le méditant doit avoir s'il veut réussir à atteindre son but. C'est un effort qu'il faudra renforcer continuellement. Il faudra commencer par le premier type d'effort, passer ensuite au second type d'effort et finalement atteindre le troisième type d'effort. La cinquième qualité consiste à voir les apparitions et disparitions des phénomènes physiques et mentaux qu'on observe. Donc, lorsque l'effort est développé de cette façon et qu'il devient puissant, les empêchements, les pollutions mentales vont disparaître de l'esprit. L'esprit sera alors pur et clair et calme. On parle en pali de pasada. Et cet esprit calme peut se manifester simplement lorsqu'on entend parler du Dhamma. Donc, cet esprit paisible peut apparaître simplement lorsqu'on entend parler du Dhamma, mais c'est la première forme de foi, si on veut. Le méditant peut également, si son esprit devient encore plus paisible, réussir à voir, à cause de cet esprit pur, il réussit à voir les phénomènes physiques et mentaux tels qu'ils sont réellement. Il voit le lien de causalité qui les unit. Donc, cette foi renforcée est due au fait que le méditant a expérimenté par lui-même. Il a réussi à voir les phénomènes physiques et mentaux comme des phénomènes distincts l'un de l'autre. Il a réussi à voir le lien de causalité qui les unit. Tout ceci fait que sa foi est renforcée. Il n'a plus de doute à propos de tout cela puisqu'il l'a expérimenté. Donc, le méditant a réussi à faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il voit distinctement ces deux types de phénomènes. Il a vu également les causes et les effets. Il a réalisé le lien de causalité entre tous ces phénomènes. Il poursuit sa pratique et s'il la poursuit correctement, il va bientôt voir les apparitions et disparitions rapides des phénomènes. Il peut voir cela lorsque ses annotations seront devenues continues, son attention est devenue puissante. Donc à ce stade, le yogi se sentira heureux. Il a pitié, qu'on traduit par la joie, l'intérêt joyeux. Il a également passadi la tranquillité et sukha le bonheur. Ce sont ces trois facteurs qu'il va expérimenter à ce stade. Il expérimente également et voit clairement que ce bonheur qui lui vient de la méditation est supérieur au bonheur que procurent les plaisirs sensuels. Donc, le Dhamma que le yogi à ce stade vient de réaliser aura pour conséquence qu'il n'abandonnera pas. Sa pratique va se développer encore plus. Ce méditant a réalisé, expérimenté par lui-même, que dès le moment où les pollutions mentales ne sont plus dans son esprit, n'encombrent plus son esprit, il est capable de faire clairement la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il a vu les causes et les effets, et toutes ces connaissances qu'il a à ce stade vont avoir pour effet que sa foi va encore être plus forte, parce que son expérience, sa compréhension s'est renforcée. Donc tout cela va faire boule de neige, si je puis dire. Il y a l'effort qui a été renforcé. À cause de cet effort renforcé, son attention est maintenue plus longtemps. L'attention qui est maintenue plus longtemps amène un renforcement de la concentration, et ce renforcement de la concentration va lui-même amener un développement de la sagesse, de la compréhension. C'est de cette façon que fonctionne le Dhamma. Donc, à ce stade, on peut dire que le méditant est devenu un véritable yogi, car un yogi, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans ces trois types d'efforts et qui a réussi à développer sa compréhension. Donc, ceci termine l'enseignement sur les cinq facteurs ou les cinq qualités dont doit disposer celui qui désire réaliser la vérité dans cette vie même. Je voudrais terminer l'enseignement en vous racontant une histoire des Jataka qui illustre le type d'effort que le méditant est censé fournir. À cette époque, le Bodhisattva, le futur Bouddha, était un chef de caravane. Donc, cette caravane de marchands se déplaçait dans le but de vendre toutes leurs marchandises. Ils allaient devoir traverser un désert extrêmement chaud. Le voyage était donc très difficile. Ils devaient se déplacer la nuit parce que la journée, il faisait trop chaud. Donc, ce voyage était pénible. Il n'y avait pas d'oasis à l'horizon. Ils étaient obligés d'emmener avec eux leur nourriture et des réserves d'eau, et ils devaient voyager la nuit en se fiant aux étoiles. Ils avaient bien progressé et n'avaient plus qu'une seule nuit à marcher. Donc, ils en étaient arrivés là, il n'y avait plus qu'une nuit de marche avant d'atteindre leur but. Ils allaient donc se reposer pendant la journée avant d'entamer cette dernière marche. Comme il n'y avait plus qu'une seule nuit à marcher, ils se dirent qu'ils pouvaient abandonner leur nourriture et les réserves d'eau, et ils se mirent donc en route. Donc le chef de cette caravane était extrêmement fatigué, étant donné les efforts qu'il avait dû fournir pendant les jours précédents, et il se contenta donc d'indiquer la route aux autres, puis il s'endormit. Il ne vit donc pas qu'en fait la caravane avait pris une mauvaise direction. Donc cet homme, ce chef, fut effrayé de voir cela, et il essaya de rassembler les 500 charrettes de la caravane, mais c'était évidemment très difficile d'y arriver parce qu'ils étaient très nombreux et beaucoup avaient continué dans cette mauvaise direction. Et donc les marchands étaient très découragés, ils s'arrêtèrent de marcher et décidèrent de se reposer à l'ombre de leur charrette. Donc le Bodhisattva, quant à lui, ne se découragea pas, il poursuivit sa route, le soleil ne s'était pas encore levé. Il poursuivit donc sa route et arriva à un endroit où il vit de l'herbe. Il se dit donc qu'il devait y avoir de l'eau quelque part. Et donc le chef de la caravane persuada les autres de creuser pour trouver cette eau. Mais à un moment, tous leurs instruments cassèrent et ils furent tous très découragés. Le Bodhisattva descendit dans le trou et il écouta attentivement, il posa son oreille sur les parois et il entendit effectivement un bruit d'eau. Il demanda alors à un jeune homme très fort qui faisait partie du voyage de prendre un marteau et de frapper de toutes ses forces sur le rocher de façon à arriver à l'eau. Le jeune homme se mit à frapper de toutes ses forces et la roche cassa et l'eau se mit à jaillir. Et donc l'eau s'était mise à couler et bien sûr tout le monde se réjouit, tout le monde put se baigner, se laver, on put donner de l'eau aux animaux, les laver également, on put manger à satiété. Ils avaient réussi leur exploit, ils purent atteindre le village et vendirent tous leurs biens, gagnèrent beaucoup d'argent. Et donc cette histoire illustre l'effort dont devra faire preuve le méditant. Il devra fournir un très gros effort et avoir foi dans les bénéfices qu'amène cette pratique. Le Bodhisattva, au cours de son voyage, a fait preuve de cet effort et de cette foi dans la possibilité d'atteindre le village. Grâce à cet effort et à cette foi, il a réussi. Le jeune homme aussi avait foi, avec confiance, et donc c'est pour cette raison qu'il a pu frapper avec tant de force le rocher qui s'est brisé et l'eau a jailli. Donc, ils ne sont pas morts dans le désert. Essayez de vous comporter comme le Bodhisattva et comme ce jeune homme qui ont fait preuve de beaucoup de courage dans leur effort et qui étaient animés d'une très grande foi. Pourquoi la foi apparaît? Comment se fait-il que la foi, la confiance apparaissent? C'est parce que il y a quelque chose à obtenir. Donc il est très important d'avoir cette foi. Nous avons foi dans le fait que quelque chose vaut la peine d'être obtenu. C'est la même chose avec le professeur, l'ami spirituel. Si nous savons qu'il y a là un ami spirituel à qui on peut faire confiance, cela va nous donner la foi et nous serons dès lors en mesure de fournir l'effort. Il est donc important de savoir quelles sont les qualités d'un bon ami spirituel. Donc les qualités de l'ami spirituel sera le sujet de l'enseignement de demain. Puissiez-vous tous, par votre écoute de cet enseignement, par votre foi dans le Dhamma, par votre compréhension des bénéfices qu'amène la pratique, puissiez-vous tous avoir le désir de les obtenir, ces bénéfices, et de fournir l'effort pour y arriver et pour finalement atteindre Nibbana. Donc Sayali voudrait dire que demain on entendra cet enseignement sur cassette parce que elle en a parlé déjà l'année dernière et demain de toute façon elle doit se rendre à Bruxelles pour un enseignement là-bas. Elle espère que ça ne vous découragera pas.